La squale pour les chargages au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros c'était trop. C'était pas comme ça et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Fracta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. La squale pour les chargages au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros c'était trop. C'était pas comme ça et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Fracta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. Luna pour les jachas, pour les jacteurs, c'est des rageux. Et devant la squale, gros, tu rougis. As-tu déjà fait un bijoutier? Moi, personne m'a bizuté. J'attache normal ton buraliste. J'te fais sûr, c'était sur ma liste. Lâche pas le morceau, donc laisse tomber. Au fait, deux fois, gros, j'suis béton. Et celle ma gueule, j'me suis bâti. Car toute ma vie, j'me suis battu. J'te dis sûrement pour des bêtises. Mais comme maman, j'suis un battant. Et comme papa, gros, j'ai des peines. Mais bon, j'pense pas avec ma bite, j'leur pisse dessus et j'les épate. La squale pour les chargages au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros c'était trop. C'était pas comme ça et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Recta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. La squale pour les chargages au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros c'était trop. C'était pas comme ça et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Recta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. Enlève tes pattes de mon épaule. T'étais où, j'mangeais des pattes. Quand de la vie, j'mangeais des tartes, des têtes à tête pour des 10-2, pour des euros, gros j'ai erré. Yves, j'étais tout seul, tout le monde pensait que j'avais serré. Sérieux, c'est con, faisait marrer. Mino, ma gueule, j'étais taré. Tu mets le tarot, gros, je les tarif. Les jachachel, ben des rebrousse. Prends cabra, c'est moi, je les baisse. T'es bizarre, me fais plus la bise. C'est la base, ouais, c'est banal. J'suis dans le bénéf, ils ont pas de nif, ils ont les nerfs. Et moi, j'les narre. La squale pour les jachachel, au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros, c'était trop. C'était pas comme ça, et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Fracta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. La squale pour les jachas, j'suis au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros c'était trop. C'était pas comme ça et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Fracta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. La squale pour les jachas, j'suis au bord de la mer. J'fais mon pétou autour de moi, y'a pas de putain. Mes yeux pétillent, gros c'était trop. C'était pas comme ça et j'fais pas comme si. Donc commence pas avec des gimmicks. Fracta, c'est l'ultimiste, voilà le schéma de mon alchimie. Acta, c'est le chimiste, voilà le schéma de la chimie, frérot. Sale! La squale pour les chachas, joue dans la mer, joue mon pétou. Y'a du champagne, y'a tout, bande de fils de pute. Bande de jaloux, c'est carré, sale! La squale!